J'ai besoin de se dit necesito. Necesito. Pensez au verbe français nécessiter. Donc, necesito, j'ai besoin de. Ici, nous avons quatre syllabes. Ne, fe, si, to. Et il y a une voyelle à la fin, dont on accentue la 20e syllabe. On insiste sur cette 20e syllabe à l'oral. Necesito. Necesito. J'ai besoin de. Et, une fois de plus, le O final de necesito indique que c'est moi qui ai besoin de quelque chose. Le O, c'est la marque du je. Alors, encore une fois, j'ai besoin de se dit necesito. Necesito. Et j'ai besoin de ça, j'en ai besoin, se dira. En fait, il n'y a pas d'équivalent de un en espagnol. Donc, on utilisera lo, comme dans lo tengo ou lo quiero. Donc, j'en ai besoin. Lo necesito. Lo necesito. Et je n'en ai pas besoin. No lo necesito. No lo necesito. C'est ça. No lo necesito. Oui, no lo necesito. Je n'en ai pas besoin.